Cantique Hosanna numéro 50. Seigneur, ce que je réclame. Ah non. Seigneur, ce que je réclame. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. Qu'est cette céleste flamme à mon brûle toujours cet amour. Cet amour si fort et tendre, amour qui déporte tout, il ne peut pas se défendre. C'est à sauver jusqu'au bout pour les hommes. Jusqu'à la mort, je sois fidèle, priant et litant en tout lieu, de sorte que ma vie entière révèle, reflète, manifeste l'amour sublime de Dieu. Puisse Dieu nous priver. Père céleste, nous te rendons grâce pour ce moment d'adoration. Où nous aimons nous tenir devant toi. Dans la tranquillité. Avec confiance. Avec autant de foi qui nous est possible de manifester. Pour croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ce que les cherchent. Et il est riche pour tout ce qu'il invoque. Il est prêt pour ceux qui ont le cœur brisé. Il est le réanimateur de nos vies. Lorsque nous sommes essoufflés, choqués, affaiblis, tu es le restaurateur de tout ce que nous perdons chaque instant et qui nous ramène aux conditions primordiales. Car tu as tout pouvoir en tout lieu. Seigneur, exauce nos prières et nous venons de lever à toi, Seigneur, chacun pour sa part, chacun pour sa vie, mais tout ceci pour l'Église, pour là être agréable à Dieu. Pardonne ceux qui ont fait Nom de Jésus-Christ, nous prions avec toi pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 57. Nous prenons le verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Nous prenons le verset 17 à 19. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Remonte. Commence au verset précédent. Soko oingaki mbeka mbe na pesiyo yango. Ndeyo okopesa oko sepelaka na makabo na kotu mbati. Makabo majali malamu na miso na nzambe ijali molimo mututami. Ee nzambe, yo okoboya motema mututami mpe na mawati. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et bonsoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous un grand privilège encore de nous rencontrer ici dans l'humilité. pour adorer Dieu, lui adresser nos supplications, lui témoigner notre affection, recueillir les rayons de son amour, de sa gloire, de sa fidélité et de sa vérité. Nous glorifions son nom, Dieu qui fait tout, qui nous garde sur la terre des vivants, et qui nous compte encore à son service, parmi ses adorateurs. Chacun de nous est censé le faire, sinon ce serait de l'ingratitude, l'indifférence, l'insensibilité face au bienfait de Dieu. Dieu fait du bien, continuellement. Dieu agit constamment. Lui ne sommeille ni ne dort. Dieu, notre Dieu, travaille plus qu'aucun homme, plus qu'aucun roi, plus qu'aucun chef de l'État, plus qu'aucun général, plus qu'aucun commandant de corps d'armée. Dieu travaille beaucoup. Il est notre référence. Pour ne jamais devenir paresseux, mais toujours travailler beaucoup. Travailler à la perfection. Travailler de mieux en mieux. C'est la parole qui nous a appris à faire cela. Toujours faire de mieux en mieux. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, la parole a dit, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Qui dit amen? C'est une exhortation biblique. Inoubliable. Chacun intériorise ça. Et rappelle cela pour agir conformément à ça. Bien-aimé frère, soyez ferme. Ayez la fermeté. Soyez inébranlable. Ne vous laissez perturber par rien du tout. Soyez imperturbable. Ce que vous avez comme objectif, c'est que vous voulez atteindre dans la vie par la foi et la conviction. Et vous laissez fixer dessus. Dieu vous y parvient. Même si par votre physique, vous ne pourrez pas. Mais la force de votre Dieu vous y fera parvenir. Il faut la foi pour percer. Il faut avoir la foi pour percer. Traverser les obstacles. Relever les défis. Traverser les barrières. Et la forteresse infranchissable. Par la foi, c'est possible. Ayez donc la fermeté. Soyez inébranlable. Travaillant. Pas des œuvrants, des payantants, nous occupant des futilités, mais travaillons, de mieux en mieux, travailler en s'améliorant, en améliorant la façon de faire. Nous devons travailler de cette manière, chacun pour sa part et tout son temps. L'œuvre du Seigneur, faisons mieux, chemin faisant. Faisons mieux de plus en plus. Faisons mieux chaque fois que faisons. Chaque nouvelle occasion que Dieu nous donne, profitons pour faire mieux. Faire mieux pour Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter des résultats médiocres et des fruits chétifs énormes. Produit une production chétive, donc insignifiant. Non. Il faut que ce soit abondant. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de fertilité. Il sait faire reproduire et faire réussir ce que nous lui confions. Amen. Vous savez, quand les disciples avaient leurs cinq poissons, ils ont gardé pour eux-mêmes, ils travaillaient avec ça, ça ne pouvait nourrir peut-être que deux personnes. Mais une fois qu'ils ont pris ces poissons, ils les ont confiés au Seigneur pour que lui les bénisse et qu'ils ont rendu les actions de grâce. Cinq poissons ont nourri 5000 hommes. Et il y a eu beaucoup de restes. Ne garde rien pour toi-même. Oh, fais tout au Seigneur. Même si ça paraît insignifiant. Même si ça ne fait pas espérer. On fait cela entre ses saints. Parmi bénira. Le changement sera spectaculaire. Si vous avez deux pains. Hein? Trois poissons. Vous faire pour une grande famille. Et rendez une fois grâce. Ouvrez un mot de prière. À Dieu qui a dit que tout est sanctifié. Dans la prière et la parole de Dieu. Vous verrez que ça donnera mieux. Amen. Alors si hier tu as négligé ça, aujourd'hui tu peux capitaliser. Et encore mieux que ça. Travaillant de mieux en mieux. L'œuvre du Seigneur marchant avec lui. Nous devons le faire. Pour ça il faut savoir se remettre en cause. Si jamais quelque chose amen ne se fait pas bien, alors reviens à Jésus. Amen. Dis-lui, amen. Seigneur, entre en moi. Accomplis en moi ce qui est agréable à toi. Utilise-moi, Seigneur, autant que tu le veux, partout que je serai. Utilise-moi, Seigneur, compte sur ta force, sur ton bras droit, qui est immuable, et surtout invincible. Compte sur cette main-là. Qu'elle me tienne, qu'elle me soutienne, qu'elle m'assiste, guide. Tiens-moi par la main. Et Dieu exauce la prière. Et il n'arrive pas à nous écouter. Nous laissons briser nos cœurs. Demeurons dans le brisement. Changeons notre rire en pleurs. Changeons notre joie en tristesse. Montrons que nous sommes insatisfaits. Il ne se revient pas. Nous sommes insatisfaits. Appelons sur la terre. Nous voulons le voir réellement. Concrètement. Manifestant encore ses merveilles. Nous lisons encore ses œuvres. Nous lisons encore comme avec les saints. Nous avons confiance. Et Dieu répond au cœur. Oh Dieu. Lambe. David qui a prié. Oh Dieu. Lambe. Ouvre mes lèvres. Et alors ma bouche célébrera ta louange. Ouvre ma bouche. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta louange. Comment tu peux arriver à louer Dieu sans que Dieu n'ait ouvert la bouche? Il faut qu'il ait agi. Il faut qu'il ait fait des choses. Et les choses qu'il aura faites ont empêché à ta bouche de se fermer. Ça mettra une pression dans toi pour témoigner de ce qu'il a fait. Alors il faut que Dieu fasse. Et pour que Dieu fasse, nous devons l'invoquer. Appelez Jésus sur la scène. Laissez prier instamment. Son nom. Son nom. Sa puissance. Réclamez sa présence. On le fera. Quand il aura fait, la pression de ce qu'il a fait va déclencher l'ouverture de ta bouche. N'est-ce pas ce qu'on chante? Mon cœur angoissé sous l'œil saveur de Dieu, dans là où mes péchés m'avaient plongé, des labos profonds, j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'amène au jour doré. Il m'a sorti de la peau d'argile. Il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant de mouvement. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Oh, il m'a sorti de la peau. Jésus m'a, il a placé mes pieds sur les rocs. Mon Dieu, il met un chant dans mon âme. Les jours, un chant de louange. Alléluia. Lui-même Dieu m'a sorti de la boue fragile. La boue fragile. Où j'étais embourbé. Lui-même m'a sorti de là. Alors que je m'enfonçais, et je ne faisais que m'embrouiller, je ne faisais que m'enfoncer dans le péché et la honte. Et il n'y avait pas de soubassement. Il n'y avait pas de soutien pour retenir ma descente au sacré. Et le propre, lui, Dieu lui-même, il m'a sorti de la boue. Et il a placé mes pieds non plus sur de l'argile, non plus sur de la boue, mais sur le sable flottant, sur le sable émulsifant. Mais il a placé mes pieds sur les rocs. Pour que je ne plonge plus, je ne m'enfonce plus. Mais quand je pose un pied, il est vraiment posé de manière à m'encourager à faire le pas. Au lieu que tu mets le pied, tu mets le pied, tu mets le pied, tu mets le pied, tu mets le pied, tu mets le pied, tu mets le pied, tu mets le pied, tu mets le pied, tu mets le Seigneur te sort de la boue. C'est là où ça glisse vers le bas. Et toutes les forces qui te tirent vers le bas, il te sort de là. Il met tes pieds sur le roc. Ta croix est basée sur Jésus-Christ, qui est le rocher des âges. Écoutez, il met dans ton âme un chant. Mais un chant de louange. Je peux dire Alléluia. C'est parce qu'il a fait quelque chose. Il est sorti de la boue d'argile. Il a placé ses pieds sur le roc. Quand tu marches, maintenant tu peux progresser, tu peux t'améliorer. Mais en ayant un fondement rigide, mais ce n'est pas en marchant dans les sables, ce n'est pas en partageant dans la boue pour s'embrouiller, mais en ayant un fondement solide. Le Seigneur est riche pour tout ce qu'il aime. Donc que se confie en lui, ne sera point confus. Ta foi s'accroche à ça. Alors il ouvre tes lèvres. Quand tu regardes ce qu'il a fait pour toi, tes lèvres s'ouvrent. Par le Seigneur ton Dieu, ton Dieu bon. Tes lèvres s'ouvrent et ta bouche raconte sa louange. Oh Seigneur, ouvre mes lèvres. Nous ne pouvons pas être taiseux. Timide, comme si nous ne faisions rien, comme si nous n'avons aucun témoignage. Dieu agit continuellement. Dieu agit sans cesse. Dieu agit chaque jour. Dieu agit partout. Nous devons le louer pour ce qu'on fait. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche publiera ta loi. Que Dieu ouvre aussi tes lèvres. En cette semaine, tu as témoigné de moi. Mon frère, ma soeur bien-aimée. Nous sommes déjà jeudi. La nouvelle semaine est en train de finir. Nous sommes déjà les 23. Est-ce que tu as témoigné de lui? Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Au courant des témoins de juin. les merveilles qu'il a faites. Et tu ne peux pas marcher, comment vas-tu? Nos lèvres doivent-ils se faire comme ça. Alors que nous sommes un groupe de témoins. A voulu faire de nous ces témoins. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'aimerais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Le mois de juin est en train de finir. La semaine ici est en train de finir. La semaine du 19 au 25. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Quelle merveille a-t-il accompli? Que peux-tu témoigner de lui? Apprenne aussi à le chercher. Que peuvent-ils apprendre chez toi? De ce Dieu-là, ministère et pour lequel tu fréquentes pour l'église. N'as-tu rien fait? N'as-tu rien vu? N'as-tu rien entendu? Dieu de merveille. Il ouvre ses lèvres. Et que ta bouche publie. Rende public. Que mérite notre Dieu. S'il avait voulu des sacrifices. David dit, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables. C'est un esprit brisé. Est-ce que ton esprit à toi est-il brisé? Ton esprit au dedans de toi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Prends soin de lui. Ne vous inquiétez de rien. En toutes ces choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des témoignages. Et quand vous vous tenez devant lui, il est potier. Il veut te tailler. Te façonner. Remodeler. Reproduire en toi l'image de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu. Amen, amen. Amen. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, Ne bébène pas un cœur brisé. Quand tu lui offres un cœur contrit et brisé, Dieu ne va pas dédaigner ça. Avec sabotage. Mais au contraire, il a grillé. C'est ce que je voulais dire. Parfois à cause de l'orgueil. De la pression de la vie. Nous devenons des fois si gonflés. Et nous ressemblons à des crapauds. Grenouilles. Dans lesquels on a ventilé trop d'air. Et Dieu veut vous dégonfler. Il veut vous briser. Il veut que vous sentez que vous n'êtes rien. Et sans lui, vous ne valez rien. Et il est la valeur ajoutée, la meilleure valeur ajoutée. Il est la personne indispensable. Il vous a toujours fallu. Que Dieu te fasse cette grâce pour que ta vie soit révolutionnée. Que ton âme demeure devant lui. Oh, mes chers amis. Frère Branham, il disait quelque chose ici. Dans la prédication intitulée Le sentier de la vie. Le sentier de la vie. Oh, j'aime ça. Le sentier de la vie prêché le 21 juin. J'aimerais lire juste une ou deux paroles dans la Bible et vous parler juste pendant un moment. Nous aussi nous sommes en train de le faire ici. Nous parlons juste pendant un moment. Mais je sais que vous devez partir. Et vous aussi vous le savez. Et après avoir adoré vous, vous devez partir. Et moi aussi, j'ai au déjeuner le samedi matin. Et j'ai prévu de rester le soir pour en avoir un petit. Je ne sais pas encore. Il faut que je parle à Frère Borders et aux autres. Mais j'aimerais vous laisser sur ceci. Je suis ici pour vous aider. Ça vous fait du bien? Amen. De savoir que quelqu'un est ici pour vous aider. J'aimerais que vous gardiez ça. Ne nous prenez pas comme un dérangeur. Comme un harceleur. Un homme marrant. Loin de là. Bon, okay. Nous ne voulons rien déranger dans votre vie. Nous sommes ici pour vous aider. C'est simplement, nous n'avons que quelques minutes pour nous mettre ensemble. Et j'aimerais que nous puissions rester ici jusqu'au début du service de venir demain matin. Et j'ai suivi ce que vous, les frères, aviez à dire. Ce que vous, les frères, vous aviez à dire. Et j'apprécie beaucoup cela. Mais maintenant, juste pour vous faire savoir ce qu'il y a sur vous, je vous apprécie. Et je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Est-ce que tu me crois? Et moi aussi je t'apprécie. J'apprécie ta présence. Ta foi dans l'évangile. La persévérance. Dans la marche avec Dieu. Ton amour pour son message. Nous apprécions tout cela. Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider. Par la grâce de Dieu. En tant que mes frères, et avec ce petit ministère que le Seigneur m'a donné, et ce qu'il vous a donné, afin que nous puissions unir cela en ce moment, pour voir ce que nous pouvons faire pour son royaume. Donc, mettons-nous ensemble. Mettons ce que Dieu nous a donné ensemble. Pour que nous puissions voir ce que nous pouvons faire pour son royaume. Donc, arriver à travailler de mieux en mieux. Améliorons-nous. Toi, mets à nos côtés ce que Dieu a mis en toi. Nous aussi, nous mettons à ton profit ce que Dieu a mis en nous. Et voyons ce que nous pouvons faire ensemble pour le royaume de notre prière. Il dit, inclinons la tête juste un moment. Avant d'aborder sa parole. Nous avons déjà abordé sa parole. Il prie comme ceci. David d'autres fois a prié. David aussi a prié. Oh Dieu plein de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Nous venons à toi. Avec des esprits humbles. Compris et brisé. Seigneur. Vous voyez, quand il dit ça, ceux qui ont le cœur arrogant, le cœur dédaigneux, sont-ils concernés par cette parole de prière? Ceux qui ont le cœur rancunier, très conflictuel. Cette sœur-là, très conflictuelle. Et son frère-là, très conflictuel. Est-ce qu'ils sont concernés? Mité mama banga modèle wane. Mikanga kanda, kingunia et tout ça. Mais c'est dangereux, non? C'est très conflictuel. Ne compliquez pas la vie, s'il vous plaît. Soyons humbles. Tu deviens très conflictuel comme ça. Trop d'incompréhension. Moindre ceci, colère à l'extrême. L'autre là-bas, allez, fous le camp. Tu es devenu très conflictuel. Cette humeur-là n'est pas la bonne. Frère, il y a un esprit sur toi. Ma soeur aime un esprit mauvais sur toi. Amène-le à l'hôtel pour être purifié. Jésus a dit, il est doux et humble de cœur. Toi, tu ne peux pas être méchant, méchant. Le matin, méchant. À midi, méchant. Le soir, méchant. C'est quand on lit vos cigarettes. Si les capés, ils ont mon arrêté. Où est-ce que tu deviens très compliqué. Dieu a besoin de cœurs contrits et humiliés. Si vous êtes sincère, dites Amen. Ne vous faites pas bizarre. Soyez doux. Et la Bible a dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Quand vous connaissez que cette douceur n'est pas pasteur, c'est pour moi, ministre, mon boyer, vous avez dit sourire, pasteur, n'a pas été gentil. Mais il n'y a pas de partout, on est bani. Donc, très compliqué. On a allé prendre un à Mouboulou. À son organe, à en fait, c'est comme ça. Indifférence, c'est indifférence. À mon avis, on a dit, arrêtez. Dieu a besoin des esprits concrets. C'est dans le brisement que vous allez vous humilier. Au lieu de trop voir les fautes des autres, le brisement vous aidera à voir vos propres fautes. Amen. Dieu fait le cœur contre lui. Il vit près de ça. Dieu est près de ce genre de cœur. Mais il y a toujours le canama chiffre 11 comme ça. Allez, le canama là. Tout le temps. Arrête ici. Ce genre de comportement. Tu parles de démoniaque. Vous allez être démon. Je dis démoniaque. Vous allez démon à Pinta. C'est démoniaque. Si il doit changer. Si il doit te repentir. Je te donne l'occasion. Pour t'améliorer. Pour ton service. Dans la marche avec nous. N'endurcis pas ton cœur. Dis Seigneur, j'ai honte. Ça aussi, vraiment. Je ne suis pas capable d'être doux. Que ma douceur soit connue de tous les hommes. Moi, Et puis quand j'apprends qu'on a parlé de moi, je me mets en état. Quand on a dit que c'est moi qui ai donné l'occasion aux gens. Par mon comportement, il s'attire l'attention sur moi. Qu'il commence à surveiller ma vie avec des torches. Parce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct. Vous en prendre toujours aux gens. Rentrez en vous-même. Voyez d'abord qu'est-ce que vous avez fait. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Oh. Il y a beaucoup de gens qui passent sur la route. Pourquoi seulement toi? Oh Dieu plein de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Nous venons à toi. Toi aussi viens à lui. Afin tes esprits humbles. Fais ça. Humilie pour toi-même. Contrit. Et brisé. Seigneur, sachant que nous sommes prêts à être modélés. Soko ya kia wa ki rasta rasta. Ozo ya ki master master. Et puis tu n'es même pas prêt à être façonné. Est-ce que c'est normal ça? Tu dois changer. Tu dois recevoir un plus. Parce que chaque fois qu'on rencontre Dieu, quelque chose doit s'ajouter. Nous ne pouvons pas devenir des rabbis, ne changez pas. Tu dois changer. Il y a un type de modèle. Nous sommes prêts à être modélés. Comme le prophète qui est allé dans la maison du potier. Pour y être modélés. Et paix. Dans nos cœurs. Nous désirons ce matin. Tu nous brises. De telle sorte que nous soyons modélés. En différents caractères. Des caractères qui représenteront Jésus-Christ. Yo sigo yo na ki pomba na yo na bizaleli o e kauka o liga o representer koko na okufa kala na ba ane 1800 o ngai na za koko na ye na ligo yibi sabino na za koko kingani koko ngwa yibi yo mais o ya ko refleter caractère na c'est pour en arriver où avec ya pona ko na wapi ya mukama yenu bongo tende ko bon un divin modèle vous allez la kama ka vous avez Jésus Christ est le bon berger le meilleur exemple à suivre avant d'être fait malam ko le kamina ko na Jésus Christ pour la totale la toko ka na Jésus Christ de copier les grands ancêtres les aïeux ka ko landela ba ko ya kala ba koko akala pinza ya kala kala arrière arrière grand père sima kuna dont on vous raconte l'histoire ou votre vatina l'histoire na et vous voulez reproduire leur manière mais nous voulons que zongi la lengi na oh koko za za bane ko bina kaka boy et puis tu veux reproduire nous voulons que zongi la lenga ko bina koko na allez là bas dans la famille c'est tout ce que vous faites tena libota yango nyo se ko sala Jésus-Christ incapable vous savez ça nous kifa na ko za na famille na yo yebe koko za za bane ko bina kaka boy na libota vous allez faire les gens rigolent on vous filme et ça vous fait la joie yo salut sendo. Nous devons refléter Jésus-Christ. Voulez-vous? Arrêtons toutes ces traditions insensées. Nous ne nous amènent nulle part. Oh, et Père. Dans nos cœurs, nous désirons ce matin que tu nous brises de telle sorte que nous soyons modélés en différents caractères, des caractères qui représenteront Jésus-Christ. Koko Zandite, Koko Kadiko Kote, mais Jésus-Christ que tu dois réfléchir. Prends conscience de ça. Avec ton coco sans vie, oublie un peu ces histoires. Nous avons Jésus-Christ à représenter. Refléter son caractère saint. Que Dieu te brise à ce point. Prends mon cœur insensé, Seigneur. Prends mes paroles balbutiantes. Et brise-les en morceaux. Écarte ma propre volonté. Et fais de moi une nouvelle personne. Fais de moi une nouvelle personne en Christ. Est-ce que tu te sens capable de prier aussi comme ça? Comme notre précieux frère Branham. Est-ce que tu te sens capable de prier aussi? Demandez ça à Dieu. Accorde-le Seigneur. C'est le désir de nos cœurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pendant que nous sommes en train de parler de toi. À cet hôtel. Vous savez des frères juifs qui croient en toi. Frère Michaelson. Je prie pour lui Père. Je te prie de les bénir. Et nous sommes reconnaissants pour cette occasion. Nous sommes la synagogue. Bénis-nous tous ensemble. En ce moment. Comme nous nous attendons pour quelques instants à la. Bénis cela dans nos pensées. Bénis nos services, Seigneur. Oh Dieu, tu connais nos cœurs. J'aimerais vraiment être uni des mêmes cœurs. D'une même âme. Dans un seul but. C'est-à-dire avec mes frères ici. Qui sont ici. Sur cette terre sombre. Et maussade. Au siècle. En 1962, nous nous disons 2022. Près du tournant du 20e siècle, une fois de plus. Alors, il y a plus de temps. Et nous voulons que Dieu nous unisse dans notre cœur. Une même âme avec nos frères ici. Tabernacle des chrétiens. Ne pouvons-nous pas réclamer ça à Dieu? Que nous soyons tellement unis dans un même but. Un seul but. Non pas l'impudicité. Pas l'impureté. Pas les calomnies. Le mirage. Le pas le but chrétien. Mais un but de sainteté. Et des moments de prière partagés. De l'adoration ensemble. Faisant les bonnes choses. Pas disant des bêtises, aucun propos impur n'est mentionné par lui. Comme il convient à des. Il parle de propos impurs. Des choses qui ne doivent pas être. Nous voulons être unis. Nous voulons nous même cœur. Une même âme. Dans un seul but. Pour être agréable à Dieu. Avec nos frères et sœurs. Ils sont ici sur cette. Voulez-vous travaillant de mieux en mieux et recevant le prisme de Christ pour être modelé à l'image de Jésus-Christ si tel est le désir de ton cœur comme c'est le cas ici dans la parole que le Seigneur te l'accorde. Amen. Tu prends vraiment ça pour toi-même. Pour que ta vie s'espère que ce qu'elle est toujours là. Et que c'est devenu bizarre. Là. Que le Seigneur te l'accorde. Lève-nous pour la prière. Mon cœur angoissé soleil. Réveille Dieu mon Dieu dans la fosse soleil. Péché m'a replongé de la boue, la boue, en Dieu qui est mon Seigneur.

lui un mot de prière chacun. Il nous donne sa douceur, son humilité, son brisement de cœur, pour nous humilier, savoir nous plaindre de nos propres péchés et laisser des fois nos semblables tranquilles. Cherchez la face de Dieu pour lui être agréable et nous améliorer chemin faisant. Prions chacun. Oh, yes, oh, oh. akufela ki ngai moto mabe. Akufela ki yo moto mabe. Non pas pour pikle ou tirer la bisale ni mabe. Non non. Et pour bongwana. Abuka yo. Amanyola yo. Akiti sayo. Bongo abimisa izalili na ikati na yo. Que le Seigneur te l'accorde. Et le désir de son âme. Être uni d'une même âme. Même le cœur. Le cœur avec nos frères ici. Seul l'évangile est notre foi. Tout le reste, c'est du n'importe quoi. Nous nous accrocherons à cet évangile. Du mieux que nous pouvons. Jusqu'au bout. Nous avons soif de sa présence. Jusqu'au bout, nous restons. Dieu Tout-Puissant, notre Père bien-aimé, accueille-nous plus près de toi. Accueille-nous au nom de Jésus-Christ. Reçois-nous favorablement quand nous t'appelons sur la terre, quand nous voulons invoquer ton nom. Seigneur, montre-toi favorable. Exauce nos prières. Nous les avons adressées, formulées ce soir, non pas dans le vide, mais à un être réel, à un être vivant, source de toute vie, qui a fait l'oreille, qui a fait la bouche, un Dieu qui parle, un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond. Garde-nous près de toi. Ne nous laisse jamais nous éloigner. Garde-nous près de toi. Dans la maison du potier. Nous voulons descendre là-bas. Modèle. Tu nous rendes si humbles et doux. Que notre douceur soit connue de tous les temps. C'est grâce à mon frère, c'est grâce à ma soeur, exauce la prière du prophète, exauce nos prières à chacun, exauce les prières de l'église, et de tous les saints à travers le monde, priant les uns pour les autres, pour avoir la main immuable de Dieu, la main du Dieu Tout-Puissant, et les priant des merveilles à notre profit, et que nos yeux s'ouvrent pour voir, que nos lèvres s'ouvrent pour voir, et que nos bouches, et chacun de nous travaille de mieux en mieux, nous améliorant. Brise chacun, Seigneur. Brise-nous de tout orgueil. Brise-nous de tout caractère conflictuel. Brise-nous de toute rancune. Brise-nous de tout cœur méchant. Donne-nous le cœur doux, humble, obéissant à la parole, flexible, considère les autres comme étant au-dessus de soi-même. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions et croyons. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse.